Potequito, pourquoi tu me vends? C'est la vida. On a choisi cette villa. Damos vend la villa. On tourne en ville. Crois pas qu'on est débile. C'est pas ton automobile. T'as tourné de test en test. Tu fais des chromes, tu ne payes pas. On va venir t'allumer. On peut plus te pardonner. J'arrive à Marbella. J'prends pas Panamera. C'est pas assez cher, un cheval cabré fera l'affaire. Mandaille où y'a tout dans le sourire. Pour des billets morts, encore en blessé. Faites-vous passer le mort, y'aura des desserts. T'es mon frère pour moi, tu démarres la bécane. J'vais peut-être tirer sur un j'ai mal. Y'aura jamais assez de l'or. Même riche on est pauvre. Le poule a donné le go. Il a craqué la go. Tu démarres la bécane. J'vais peut-être tirer sur un ancien ami. Au fond j'ai mal. J'ai bossé toute la journée. Au feu patrouille de gondes. Maintenant on fait des tournées. La roue a bien tourné. Sombre histoire en bas. Tout le monde est broliqué. Des guetteurs sur le toit. Le réseau doit tourner. Matin, midi, soir. Zipette au milligramme. Chito gramme au kilogramme. Bientôt on ouvre un terrain d'armes. Sans armes. Qui va nous faire sans armes? Personne, je le sais. Pour des billets morts.